tel un félon taciturne et mélancolique, répugné par des chartes de doctrines anachroniques, de désuets sermons et de précaires devises patriotiques, puis tous offrant nos glorieux héritiers d'une sottise antique, des moutons belliqueux en tonnes de grossières carmagnoles, et les martyrs de la ségrégation caracole, par des calonisés de juvéniles revendications, de fervents guignols bafouent la communication, pourchassant prestement la lueur d'un présage clément, trésor enseveli sous des kilomètres d'excréments, où le mécréant chevronné s'y embête aisément, écuré par ses hordes de pinailleurs fainéants, millionnaires grâce à des lots de postérieurs béants, les résidents dans ton cabot amimant leur géant, adoptant la ruse pour soutirer des bribes de conversation, comme le nécessite mendiant vainement sa ration. La simplicité supplantée par les commodités, tous enrôlés dans cette rocambolesque odyssée, silence et docilité nous sont préconisés, car il est préjudiciable de s'égosiller. La simplicité supplantée par les commodités, tous enrôlés dans cette rocambolesque odyssée, silence et docilité nous sont préconisés, car il est préjudiciable de s'égosiller. Je suis un exhorté d'invocation d'icônes sur vitrail, marqué d'un fastidieux stoïsme estampé sur le poitrail, endurant de violents spasmes triturant mes entrailles, comme cette sous-grenue vilainique que l'on camoufle en détail. D'idéologie stipulant qu'un triomphe est prioritaire sur une planète où poltrons et faussaires sont majoritaires, où l'on ne peut s'assoupir sans somnifère, quand bagnoles et foyers s'embrassent comme des forêts de conifères. Des morveux s'octroient le droit de hiérarchiser les ethnies, de pénaliser les délits comme d'être un basané génie. Des paresseux s'avèrent à jeune avec insistance, alors que des galériens sont en pénurie d'assistance. La simplicité supplantée par les commodités, tous enrôlés dans cette rocambolesque odyssée, silence et docilité nous sont préconisés, car il est préjudiciable de s'égosiller. La simplicité supplantée par les commodités, tous enrôlés dans cette rocambolesque odyssée,